MK, un 3 Daoumen. Tu sais qui nous sommes, je vois que tu pèses, mais pour ma part il faut la même somme. On veut peser mais on connaît nos limites. Briller comme Master P et son label, nos limites. Je sors en vrac de mon hall qui pue le shit. La rage de cash a donné à certains mots de vie ici. Et Joe, c'est avec le mic que je saigne. Que je saigne. Et tous les soirs, je prie le Seigneur. Je suis dans un délire micro et console. Musique à l'ancienne pour te frotter le cul sur le sol. Enchaîne coupole tête, tous les tueurs de près compris perpète. Tu connais la suite, c'est 9-4 et ça réussit. Et les keufs cassent les couilles. Et les bandits prennent la fuite. Les marmots ont grandi. Je suis plus trop vexé dans ma folie. Entre nous on est resté solidaires. Parce que nos freestyles aux zoos sont légendaires. À 4 ans t'as la mort vomée. À 12 ans tu te laisses engrainer. À 16 ans tu veux trop traîner. À 18 ans tu veux trop baiser. À 20 ans tu veux trop peser. À 22 ans tu veux trop te poser. Pour qu'à 30 ans tu puisses trop poser. À 35 ans tu veux ta grosse zoomée. À 40 ans tu sors du hype. Car à 20 ans tu voulais trop peser. Et tous tes rêves se sont envolés. L'argent y'en a plein les banques. Si c'est pas dans ton compte c'est au comptoir ou dans le coffre. Dans les rues de Vitry et même à Bangkok. Cause ta mallette ou voiture volée 3-5-7 dans le coffre. On va tremper dans des bises à te prendre une baston dans. 9-4 est fier, que des bâtiments gris comme relief. Que des jeunes perturbés comme relève. Au moins tout ça c'est le star, les keufs te lèvent. Si ça roule c'est le trésor public et tout ce qui te prélève. Hey Joe, ici les gosses manteaux. Rap, rime, tantôt. C'est les mêmes qui vont dépouiller ton manteau. Tantôt on agresse, tantôt on blesse. Le temps c'est du cash alors on manie ça avec noblesse. Histoire de cash, tente de sale manie. Frime, grosse caisse, habillé Giorgio Armani. Je saute du lit, hélico, enfile mon black denim. M'arrache du bloc avant que la situation s'envenime. À 4 ans t'as la mort vomée. À 12 ans tu te laisses entraîner. À 16 ans tu veux trop traîner. À 18 ans tu veux trop baiser. À 20 ans tu veux trop peser. À 22 ans tu veux trop te poser. Pour qu'à 30 ans tu puisses trop poser. À 35 ans tu veux ta grosse zoomée. À 40 ans tu sors du hype. Car à 20 ans tu voulais trop peser. Et tous tes rêves se sont envolés. Je reviens sur la piste, un petit passe-passe, Mouna avant. Et je compte plus combien d'MC j'ai laissé dans le vent. On fait plus les mêmes choses qu'avant, c'est normal, l'argent n'en veut plus qu'avant. Je représente là-haut, c'est plein de plaintes, plein de flingues. Et les gens sont pleins de craintes. Face à l'argent, on assiste aux mêmes scènes. Difficile de rester sage, serein ou même zen. Ici c'est pire que l'embargo, on saute tous sur le magot. Ou à plusieurs sur la même go. On veut tous le banco, trop vite, trop tôt, braco. Pas vu, pas pris, on a tous gagné le gros lot. Il fallait qu'on le dise, quoi, tu sais ce qu'on vise. Mais quoi, même si c'est les mêmes quand on le bise. Le temps c'est du cash, c'est tout un slalom. Mais une fois que tu commences à briller, on dit que c'est ça l'homme. À 4 ans t'as la mort vomée. À 12 ans tu te laisses entraîner. À 16 ans tu veux trop traîner. À 18 ans tu veux trop baiser. À 20 ans tu veux trop peser. À 22 ans tu veux trop te poser. Pour qu'à 30 ans tu puisses trop poser. À 35 ans tu veux ta grosse zoomée. À 40 ans tu sors du hype. Car à 20 ans tu voulais trop peser. Et tous tes rêves se sont envolés. À 4 ans t'as la mort vomée. À 12 ans tu te laisses entraîner. À 16 ans tu veux trop traîner. À 18 ans tu veux trop baiser. À 20 ans tu veux trop peser. À 22 ans tu veux trop te poser. Pour qu'à 30 ans tu puisses trop poser. À 35 ans tu veux ta grosse zoomée. À 40 ans tu sors du hype. Car à 20 ans tu voulais trop peser. Et tous tes rêves se sont envolés.